cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, as-salatu as-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna bi darsina al-akhir al-qismu al-thalith. Al-qismu al-thalith min ma'ala? Min al-ladhi tarakuha zawayid nusus al-sifat. Al-aqsam fi mu'amalatihim ma'a zawahir al-nusus. القسم الأول أهل السنة الحمد، الثاني المشبهة، والثالث منهم المعطلة أهل التعطيل. القسم الثالث هم المعطلة، شبهوا ثم مثلوا. قال ومذهبهم باطل من وجوه. من يذكر بعض الأوجه؟ en résumé الشيخ ابن عثيمين il en a cité 5. Et aujourd'hui, on va commencer le sixième, Inch'Allah, Tawaddal. N'aam, Zed. N'aam, annahu, anna tariqatahum, tukhalif an-nusus, ça c'est clair. Et tariq al-salaf, ça c'est clair, Zed. N'aam, yatakallamuna ala Allah bila ilm. فهذه الأوجه الأولى. ثم الخامس إلى ديتاي قليلا avec des questions مفيدة. هذا إن شاء الله تعالى c'est compris. من عنده شيء avant de continuer؟ c'est واضح. قال رحمه الله الوجه السادس إبطال مذهب أهل التعطيل. ففي الدرس السابق on a vu les 5 premiers. وهي هذا الدرس le dernier point est il est très très important. لماذا لأن الشيخ رحمه الله il a détaillé في الرد على المحرف المعطلة فقال رحمه الله الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. صحيح أن القول il est khatir jiddan. لماذا لأنه ça implique des choses très très graves. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité plusieurs points. قال فمن هذه اللوازم. اللوازم c'est plural de لازم. اللازم c'est si tu crois une chose ou tu dis une chose ça va impliquer une chose. مثلا si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rabb ça va impliquer que tu dois l'adorer. Et si c'est le Rabb ça va impliquer qu'il a des sifat, sifat kamal ou hakada. فهم لو تعطيل أو لو تحريف لدى لوازم خطيرة. قال أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. أي سبوان تقدم معنا كثيرا أن جميع أهل البدع والضلال جميع المنحرفين في هذا الباب يتسونقاغي. لماذا؟ لأنهم يعتقدوا التمثيل أولا. Ils ont pensé que si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a tel attribut en te basant sur un texte clair من القرآن أو de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام فعندهم ça va impliquer التمثيل. Si tu dis qu'Allah il a des mains comme c'est cité dans le Coran, في الحقيقة tu n'as rien rajouté, tu n'as rien modifié. Bel, tu peux lui citer le verset, bel yadahu mabzoudatan. Tu lui dis, Allah, il a tes mains. Bel yadah, قال. Et tu lui cites le hadith, an Allah subhanahu wa ta'ala yaghdhab, an Allah yanzil. An Allah subhanahu wa ta'ala, lahu qadamun, wa lahu asabi', il a des doigts. Et tu lui cites le verset, al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons inventé cela. C'est le prophète qui nous a informé. Le prophète il a appuyé par la révélation. Chaque munharif min hadhihi an-nusus automatiquement ils comprennent at-tamthil. Et tamthil c'est du kufr. لماذا لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. Mais c'est du kufr. لماذا لأنه تكذيب لقول الله عز وجل. Et c'est du kufr كذلك لأن البشر il est ضعيف. Al-Bashar, il a des faiblesses, il a des manquements. Enfin, comparer Allah subhanahu wa ta'ala à la créature, al-haqiqa, c'est attribuer des attributs imparfaits à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est du kufr. هذا قوله أن أهل التعطيل لم يصرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم وموهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. Et ça, c'est grave. Leur madhhab, il est basé sur هذا. Et là, chacun de هذا, c'est du kufr. Le fait de penser ou de croire que Allah ressemble à la créature, ça montre أن leur madhhab, il est batil. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله. نعم نعيم بن حماد إمام من أئمة السنة. Il aimait As-Sunnah, jiddan, il détestait Al-Bid'a ou Al-Mubtadi'a, mais le Mashaykh, il fait partie des Mashaykh de l'imam Al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Faqala man shabbaha Allahu, ou man shabbaha Allaha bi khalqihi faqad kafar, wa man jahada ma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafar, wa laysa ma wasafa Allahu bihi nafsahu, wa la rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tashbihan. قال في الحاشية الأثر صحيح أخرجه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا الأثر اللي معروف مشهور صحيح العلماء اللي cite souvent pour montrer أن من شبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق فسد الكفر سد la grande mécréance عيدا بالله ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل الظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك انظروا سأمبلك هذا المذهب الباطل مذهب المعطلة كسسوا الأشاعرة والجامية والمعتزلة جميع المنحرفين في هذا الباب في الحقيقة لماذا إذن رجوت الصغة Ah, ils se sont sentis obligés d'interpréter, déformer les Anahoum, ils ont pensé que si tu dis comme le verset ou comme le hadith, tu fais ressembler Allah à la créature. Voilà, c'est le kufr, ayyadam billah. Faka'anna, fi le Qur'an al-Karim, ou fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a du kufr pour ha'oula. C'est pour ça qu'ils se sont sentis obligés, imma de délaisser, imma d'interpréter, de, ayyadam billah, de déformer. فهذا سمن أبطل الباطل هذا سمن أقوى الردود pour montrer أن مذهب المعطلة est fondé sur le باطل فلهذا قال أديبي رحمه الله إنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزم si هذا اللازم est باطل هذا اللازم on vient de citer أن le قول il implique que في القرآن الكريم وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم il y a des choses عيادا بالله qui montrent du كفر هي تمثيل Si ça c'est bâtil, ou là chacun c'est faux, c'est bâtil, ça implique que leur madhab il est faux. هذا الرد الأول. الثاني قال أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل. تأملوا هذه الأوصاف. Pourquoi il a cité هذه الأوصاف شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذه الأوصاف موجودة في القرآن الكريم وشفاء لما في الصدور وهدى للناس إلى آخره تبيانا لكل شيء لماذا شيخ العثيمين هنا إلى ذاته رحمة الله عليه قال لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته نبلي بأن هذه الأقوال لوازم لوازم هؤلاء البطالين C'est pas Cheikh Al-Uthaymin qui pense ça. Ahadan. Là, Cheikh Al-Uthaymin, il rapporte أن leur madhhab, il implique هذا. Il implique ماذا؟ أن القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أنه هدى للناس وشفاء لما في الصدور تبيان لكل شيء إلى آخره فكأنه في هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى لم يبين فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته كأننا a été livré à nous-mêmes des versets Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé alors qu'on doit avoir une explication on ne l'a pas eu plus grave encore في الحقيقة on doit les rejeter alors qu'Allah les a révélés à la قول الجهمية est-ce que tu as déjà entendu un باطل مثل هذا est-ce que ça implique leur قول وإلا si c'est du خير si c'est du حق si c'est clair فلماذا Ils n'acceptent pas, sans modifier, sans rejeter, sans déformer. Ils sont à la hada, même s'ils ne le disent pas avec leur langue. S'ils leur disent avec leur langue, c'est du kufr, ils sortent de l'islam, clairement. Lakin, leur mawqif, la façon dont ils se comportent avec les textes, haqiqa, ça montre hada, ayyadan billah. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, wa innama ja'ala dhalik mukalan ila uqulihim, ويثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. فكأن السيفر سيكي متغبلي الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء بل يده مبسوطتان ويبقى وجه ربك إلى آخره توسي أدلة. كذلك في السنة في الحقيقة كأنهم يلفغانوا مام كما قلنا إيسيتا غيزون Tu dois revenir à ta raison. Enfin, واحد, il va expliquer par ni'ma, un autre par le quwa, un autre par le qudra, un autre il va dire ce qui descend c'est le malek, un autre il va dire ce qui descend c'est le ni'ma, un autre il va dire c'est le risque, il a akhir. Et iyadan billah, on se divise. Aina, هذا الوصف العظيم qui bien l'écoule chez. Et taqaddam ma'ana, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, في الصلاة مثلا, comment placer notre doigt, في التشهد, comment mettre nos mains. Bel as-sahaba radiyallahu anhum, naqalu an hatta. أنه كنت غسيت صبغ بالبوجة تضطرب أي البوجة ça montre qu'il avait une grosse barbe عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء qui nous ont montré النبي صلى الله عليه وسلم et ceux qui l'ont suivi qui nous ont montré ces choses précises, فإسك في الحقيقة يعقل في الحقيقة هؤلاء ils contredisent la raison. Est-ce que la raison elle va accepter أن أعظم أصل le fondement principal الإيمان بالله. الإيمان بالله سيفوندي سوغ الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا الأصل العظيم on n'a pas eu d'information, on les livre à nous-mêmes et on ne sait pas comment faire. عيادا بالله فهذا سمن أبطل الباطل بل بعضهم يبخين يبجد سكيفل. انظر الأشاعر أثبتوا بعض الصفات سبع حتى إثباتهم إلى بعض طريقة أهل السنة كثيرا فإيزوا رجتي لغست. Pourquoi ils ont pris une partie et ils ont rejeté l'autre alors que toutes ces sifat elles sont citées dans le Coran? Maintenant ils ont accepté sifat al-ilm. طيب, elle est موجوده في القران وهو بكل شيء عليم. Ils ont rejeté sifat al-yadayn. بل يداه مبسوطتان. Pourquoi? Les deux elles sont citées dans le Coran. لماذا tu acceptes هذه et tu rejettes هذه? Vous savez pourquoi? لان القوم leur mizan c'est pas le Coran ou la Sunna. القوم leur mizan c'est l'aql. Même les sept sifat qu'ils ont accepté c'est des sifat عقلية. أي العقل les accepte très facilement. لهذا les ont accepté. Pas parce que c'est la voie des salaf et parce que leur référence est le Coran ou le Sunna. أبدا في الصفات. Le Coran ou le Sunna, ça serait leur référence principale في الصفات. Ils n'auraient pas fait la distinction, la différence entre صفات الأفعال et صفات الذات. كما تقدم معنا. ثالثا, troisième point. أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلفه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. فكأن هؤلاء القول إلى أمبليك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أئمة السنة الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أحمد الإمام الشافعي كم من أئمة هؤلاء كلهم كانوا قاصرين أو مقصرين. قاصرين أي جاهلين. قاصرين أي جاهلين أو إذا pas compris أو إذا pas connaissance إذا avaient تقصير في هذا. مقصرين c'est plus grave. Al-Muqassir, c'est il peut, il a les moyens, mais qu'il n'y fait pas. Et qu'annahum, ils savaient et ils ne nous ont pas montré. Faqawluhu qasirin ay jahilin. Wa muqassirin ay ma ballagou. Ils ne nous ont pas transmis. Et c'est encore plus grave. Ayyadan billah. Qala fi ma'rifati tibiyan ma ou tabiyin ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifat ou yamtani alayhi ou yajouz. Pourquoi haoula, tu ne trouveras jamais un texte annahum, ils ont rejeté les sifat? Comme ils ont fait le Jahmiya, iyadan billah, ou le Mu'tazila. Ou ils ont accepté certains sifat, ils ont déformé, interprété les autres. Les malades, on n'a pas de texte. Alors que ha'oula, est-ce qu'un musulman peut avoir un doute en ha'oula, ils n'étaient pas à la haq, ils étaient à la haq. Le Nabi sallam et ses compagnons, c'était la umma. À leur époque, c'était eux, le mu'minoun, et c'était eux qui étaient à la haq. Donc tous ceux qui viennent après, ils doivent les suivre. Il y a un amantum, bima. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Donc ça montre que l'Iman et l'Aqida al-Sahiha, c'était à leur époque. Nous, on ne fait que suivre, فقط. قولهم هذا, ou لازم قولهم, vous avez vu comme il est grave. قال إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. Je trouverai jamais من السلف واحد qui a prétendu, qui a dit أن قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا أي الملك الملك أو الأمر أبدا. ينزل ربنا, ils avaient tous العقيدة أن c'est Allah lui-même qui descend. لكن هؤلاء vu qu'ils ont compris من هذا الدليل التمثيل, ils ont déformé. Ils ont dit c'est pas possible qu'Allah descend. لأن ce qui descend c'est les créatures. Donc بعضهم ils ont dit quoi? Ils ont dit الأمر, وبعضهم ils ont dit الملك, وهكذا. عياذا بالله. قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. فهنا إلى expliquer قوله au départ كانوا قاصرين, فهنا القصور c'est quoi? لجهلهم بذلك وعجزهم. إما ils ignoraient, إما ils n'avaient pas la capacité d'apprendre, de comprendre. مثلا ils ignoraient la langue arabe. La langue arabe elle est descendue avec leur langue, avec la langue de Sahaba radiyallahu anhum. Cette langue arabe qui est citée dans le Coran ou dans le Sunna, ils parlaient avec cette langue chez eux, avec leurs enfants. Ils comprenaient parfaitement le Coran. Ils n'ont jamais compris min as-sifat at-tamthil. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rejeté et ils n'ont pas déformé. Walillahil hamd. Qala aw muqassirin li 'adam bayanihim lil umma. Wa hadha c'est plus grave. لأن التقصير سأغيف التقصير à un être humain, أنك tu n'as pas la capacité de comprendre, tu oublies, ça arrive هذا. أما المقصر c'est plus grave, أنه il a les moyens, لكن إما par fainéantise, إما à cause des passions, إما à cause de dunya, yadam billah, il ne fait pas. Voilà, c'est pour ça que c'est plus grave. Et accuser as-salaf bil jahl, at-tajhil, ou at-taqsir bil khiyana, ay annahum ils n'ont pas montré, fala shakana, les deux cas c'est grave. Limadha li anna as-salaf c'était a'lam al-umma, et as-salaf ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous montrer hada. Al-imam Ahmed rahmatullah alayhi, comme ta'lamoun, annahu il a été emprisonné, torturé, fouetté, séparé de sa famille. Et combien de souffrances il a subi, rahmatullah alayhi. Tout ça, min ajli hadha al-bab. Annahu il a dit le Coran, c'est kalam Allah. Contrairement à Mu'tazila qui disent que le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Limada, li annahum nafaw sifat al-kalam. Amma vu que l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, qui fait partie de a'immat al-sunnah, et il avait cette croyance azima, anna le Coran, c'est kalam Allah, fa il a dit le Coran, c'est kalam Allah. Hatta fil munadara, il leur disait, hatu bi hadith, aya ou hadith. Emmenez-moi un verset ou un hadith qui prouve que le Coran n'est pas la parole d'Allah, et je vous le dis. Mais vous n'avez pas de dalil. Kayf aqul hadha al-kufr? Et rahmatullah alayhi, il a patienté. Leur qawl, il implique que ce soit l'imam Ahmed ou les autres, là, c'était des ignorants ou ils ne nous ont pas montré, iyadam billah. Et al-Ash'ara qui sont venus des siècles après, vers le 4e, 5e siècle, anahum, ils se sont répandus du din, ils ont montré à la umma la vérité qui a été cachée ou ignorée dans les premières générations. Ah, là, c'est très très grave. C'est pour ça que l'insan yantabih mada yakoul. Yantabih. Et on a vu, monsieur la tellazim, l'insan s'il l'accepte, c'est son qawl, s'il l'accepte pas, enfin, on peut pas dire que c'est son qawl. Ala kulli hal, l'insan, tastafid mada min hada, quand tu parles, fa kalamuk, y a des lawazim, ça va impliquer des choses. Khas satan, celui qui est écouté, et les gens lui font confiance, khas satan fi omur din. Au monde de dunya, il peut avoir une gravité. Insan, il se précipite d'une chose, ça implique des choses. Robama, insan, il divorce. Robama, insan, il tombe malade. Robama, insan, il perd de l'argent. Robama, insan, il perd son foyer à cause d'un kalam mal compris. Une personne lui dit une chose, il a mal compris et il fait une chose par rapport à ta parole et il lui arrive certains problèmes. Hada, c'est fait dunya. Amma, fait din, c'est une musiba. Allez, hada, insan, yentabe. Khas satan, à notre époque, en le kalam, yentachir bi sur'a. Avec internet, avec les réseaux, une kalima, tu... ce kalam, il est enregistré, l'un des frères, ils écoutent, ils ne sont même pas avec nous, ils sont dans d'autres pays. Et si tu propages le dars, l'Obama, dans plusieurs pays, ils écoutent. فالإنسان ينتبه. ينتبه. فلهذا, pour éviter هذه اللوازم الباطلة, tu n'as qu'un حل. On parle de din. Fid dunya, il faut parler dans le domaine que tu connais. Min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ça c'est un asl. Que ce soit fid dunya ou fid dunya. Fid dunya, si tu veux éviter des mauvaises conséquences par rapport à tes paroles, rentre pas dans une chose que tu maîtrises pas. Mathalan, ba'd an-nas, ils ont déjà dit à certains, si tu fais telle chose, alhamdoulillah, c'est bien pour eux. C'est bien pour telle partie de ton corps. Tu as des maux de tête, tu as mal à la dent, tu as mal au ventre. Enfin, telle chose, c'est bien. Kalam bil ilm. Il a lu Madri Ayn, on lui a dit, il n'a aucune expérience dans le domaine de la médecine, il rapporte cette parole. Rubbama insanun. Il fait ce qu'il lui a dit, ça sent pire. Andurou. Lawazim hadal qawl. Peut-être que l'insan, il va finir à l'hôpital, au plus grave, à cause de cette parole qui était fondée sur l'ignorance. Pour din, pour éviter hadith lawazim al-batila, tu as qu'un hal. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a cité plusieurs fois dans ce livre. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Vous avez remarqué que tous les retours de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, à chaque fois il dit Al-Qur'an, al-sunnah, al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, al-sahaba, a'immatu sunnah. Limadha li'anna al-ismah, pour ne pas s'égarer et pour ne pas dire des aqwal qui peuvent être très très dangereux, tu as que hadha at-tariq. Ma'ana l'insan, il est pas ma'soum, lakin at-tariq il est ma'soum. Amma la shak, celui qui prend cette tariq, ahyanan il oubliera, ahyanan il faiblira. Lakin prends hadha at-tariq, tariq al-wahy, même si tu as une faiblesse, inshallah ta'ala, tu es ala khayr. Limadha li'anna l'insan, s'il se trompe, il fait tawbah. S'il a oublié, inshallah, il révise. S'il s'est trompé, on lui montre. Amma celui qui délaisse هذا الطريق مثل هؤلاء, c'est quoi qui les a égarés? Al-aql. Ils ont délaissé al-wahy. Al-wahy, c'est infaillible. C'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Al-sunnah, c'est la révélation d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas d'erreur. Ils ont délaissé هذا et ils ont commencé à chercher une solution autre. Ils se sont égarés. On est au troisième lazim, iyadam billah, tous les lawazim c'est du kufr. C'est du kufr billah. Celui qui pense que le Coran s'appelle au tamtil, c'est du kufr. Celui qui pense que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré, c'est du kufr. Et tous, na'am, tous. Et tamtil, c'est du kufr. Fallah musta'an. Fahdharu. L'insan, il fait attention. Il fait attention. Hadha l'insan, amruhu, il est khatir. Khatir jiddan. Qala. أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. Et لا شك أن قوله أو مقصرين c'est plus grave. لكن dans les deux cas c'est très très dangereux. Accuser un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi d'ignorance ou plus grave encore de ne pas montrer malgré qu'ils savaient, فهذا عيادا بالله c'est très très dangereux. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهل ما جاءت به أنا جي من أهلي لا شك سفو من أهم أهم نعم من أهلي من أهم قال من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها سيسكون من السيتي. الرابع أنك أن على قولهم c'est comme si le Coran ou le Sunna c'était plus les références في هذا الباب. لأن si on prend que le Coran et le Sunna comme référence, Allah il a dit il a des mains, je dis Allah il a des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala il rit, yadhak sans faire de tamthil. Comment Allah a'lam, on accepte et on avance. عقيدت السلف. Vu que هؤلاء ils n'ont pas هذا فعيدا بالله, ils ont dû trouver une autre chose. Al-aql. قال وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها. Et هذا c'est من الخذلان عيدا بالله. Ils ont délaissé الوحي le Coran العظيم. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a cité certains de ces awsaf. Ils ont délaissé سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Une voix claire. Ils ont délaissé هذا pour revenir comme قال Cheikh Ibn Uthaymeen عقول مضطربة. الاضطراب, ça veut dire que tu restes pas sur une position. حال الإنسان. Pourquoi nous on est obligé de revenir au Coran et à la Sunna? Bien, on est faible. Un jour tu vas dire un qawl, demain une autre chose. Un jour tu vas penser que ça c'est juste, demain tu vas penser que c'est faux. Vu que tu as des textes, alhamdulillah, tu t'accroches au texte, c'est bon. أما هم عقول مضطربة. قال العقول المضطربة المتناقضة كذلك des contradictions. والله أن بعضهم كما بينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن dans certains de leurs livres, dans certaines de leurs assises, il disait أن معنى cette صفات c'est كذا. Dans un autre livre, dans une autre assise, il dit là, tu peux pas dire que Allah il a كذا. La même personne. Les Annaoum, ils se sont basés sur une chose faible, une chose contradictoire, ils se sont contredits. قال فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك السبيل أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. الجهمية vu que c'est des كفرة زنادقة, العلماء كفروهم, ils ont pas d'iman, فهم كذبوا. Ils ont dit Allah il a pas de nom, Allah il a pas de sifat, il y en a pour eux, tout ça c'est du tamthil. Et ils sont sortis de l'islam s'ils étaient déjà rentrés. Yundar leur cas. Al-Asha'ira, vu qu'ils ne peuvent pas faire du takdhib, ils savent que takdhib, à nos sens, c'est du kufr. Celui qui dit que Qawlullah Azza wa Jal, bel yadah mabsoutatan, c'est pas vrai, ou il a des doutes, c'est pas un musulman. L'unanimité de l'Umma, c'est pas un musulman. On est obligé de croire au Coran, du début jusqu'à la fin, tous les versets. Famaza fa'alu, ils ont soi-disant interprété. Soi-disant, ils ont fassar. Du tafsir, et c'est du tahrif. Les malades, il y a un tafsir, ils font un os. Pour faire tafsir le Coran, ils font un autre dalil. Alors on ouvre la porte, on a chacun, il fait le tafsir qu'il veut, yadam billah. À la bâtonnée, les kuffars, ils sont akfar min al-yahoud ou al-nasara. Cheikh l'islam radda alayhim kathiran. C'est un groupe, ils sont akfar min al-yahoud ou al-nasara. Ils ont du raf, ils ont beaucoup de choses. Et min dhalalihim, ils expliquent le Coran comme ils veulent. Yadam billah. بعضهم ils ont فسر ولله على الناس حج البيت آية عظيمة. La plupart des musulmans ils la connaissent pour faire le حج ولله على الناس حج البيت. Chaque musulman doit faire le حج avec des conditions bien sûr. هم ils ont dit le حج هنا المعنى c'est زيارة الأضرحة والقبور. Tu le trouves هذا بالنص dans leur livre. Qui c'est qui a cité cette interprétation? Visiter les tombes, les mausolées et yadam billah faire du shirk et la akhiré, c'est ça pour eux l'explication du verset. Va lui enlever de la bouche. Il le pense. C'est le kufr billah azza wa jal. Limadha li anna hadha al-Qur'an, on doit l'expliquer avec al-Qur'an. Awalan, on doit l'expliquer avec sunnah thaniyan, on doit l'expliquer avec aqwal as-salaf thalithan, on doit se baser sur la langue arabe rabi'an. كما ذكر شيخ الإسلام dans أصول التفسير. C'est ça les fondements du tafsir. أما واحد il explique comme il veut. الرافضة أخزاهم الله. Et c'est كثير منهم c'est des باطنية قرامطة. وبعضهم ils ont expliqué البقرة qui est cité dans سورة البقرة. أي que بنو إسرائيل ils devaient sacrifier. Ils ont expliqué هذه البقرة أنها c'est عائشة رضي الله عنها. انظر على عقول. Al-Baqara, qui est cité, c'est à l'époque de Moussa. La preuve, c'est que Banu Israël, ils ont demandé à Moussa, quelle couleur, comment on fait pour... Il a akhiré, al-Qissa, qu'on ne citera pas. Donc, cette Baqara, cette vache, elle était à l'époque de Moussa. Rome, ils ont dit, c'est Aïcha. Entre Moussa et Aïcha, Allahu a'lam combien de siècles. Lakin, hakada al-Hawa, c'est quoi qui les a poussés à Aïcha? Vu qu'ils détestent Aïcha, radiyallahu anha, ils ont voulu la rabaisser, et iyadam billah. Ils se sont moqués et ils ont dit, hadha al-Qawm. هؤلاء في الحقيقة ils ont درس القرآن والسنة et ils ont des عجائب كذلك. Qui c'est qui les a précédés? أن قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان c'était pas d'imam. من tu trouveras pas من الصحابة من السلف أبدا. Ça c'est des أقوال qui sont venus après. قال رحمه الله خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل صحيح سامبليك هذا عجدا بالله لماذا؟ لأنهم pour si tu dis أن الله عز وجل يجي وجاء ربك والملك صفا صفا أي يوم القيامة نثبت نحن en tant que مسلم en tant que أهل السنة ولله الحمد نثبت أن الله سبحانه وتعالى يجي المجيء c'est le fait de venir il viendra يوم القيامة et les anges كذلك viendront صفاً صفاً en rang et Allah il viendra هم à cause de leur عقيدة منحرفة pour eux si tu dis qu'Allah il vient ceux qui se déplacent c'est les créatures et la akhiré ils ont rejeté ce vin ils l'ont interprété Et si tu lui demandes à la fin, est-ce que Allah y a dit, il te dira là. C'est quoi pour lui qui vient? Waja Rabbuka, lui dira c'est Amru Rabbik. Waja Rabbuk, lui dira Waja Amru Rabbik. Est-ce que c'est Allah qui vient là? فتأمل قول شغل العظيمين أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله الله سبحانه وتعالى أثبت ماذا في هذه الآية المجي صفة المجي أن الله يفيندغى فهم إدزل الله قال أنه يفيندغى وجاء ربك c'est une des phrases les plus simples en langue arabe وجاء ربك فعل لفظ الجلالة يفعل في العرب il n'y a pas plus simple وجاء ربك هم qu'est-ce qu'ils disent لا c'est très très grave الأشعري te dira pas là directement il va te dire Allah il a dit وجاء ربك لكن il faut comprendre le معنى et كلام طويل à la fin ça sera quoi le résultat أن الله il vient pas et c'est soit un an soit l'amr il a akhir قال لأن إسناد المجي والنزول أو قبل ذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم et ça c'est très très grave c'est pour ça que تقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله الإمام شيخ الإسلام il a appelé هذا المجاز طاغوتا c'est un طاغوت في الحقيقة هذا الطاغوت il les a poussé à des choses très très graves et eux ils se cachent دائما derrière le مجاز pour eux القرآن il y a des parties c'est al-haqiqa مثلا les arbres les mains les êtres humains les anges qui sont cités dans le Coran pour eux c'est al-haqiqa Moussa c'est un être humain Adam c'est un être humain le prophète Mohammed c'est un être humain il y a des autres versets c'est al-majaz مثلا من هذا الباب عندهم الصفات certaines صفات haqiqa c'est un ta'out qui les a poussés à rejeter le haq فلهذا قال شيخ العثيمين والنزول إلى الله عز وجل مجاز عندهم. Pour eux c'est du majaz. Et eux ils vont t'expliquer en langue arabe il y a des mots c'est al-haq il y a des mots c'est al-majaz. Et il va te dire مثلاً le lion al-asad. Enfin quand tu dis هذا الأسد يجري في الغابة إلى آخره la chèque que tu parles d'un animal al-haywan al-muftaris l'animal féroce qui chasse إلى آخره le lion. Et quand tu dis أخي هذا أسد أي أو هذا الأخ أسد ما شاء الله ce frère c'est un lion est-ce que tu vas parler du lion d'animal là il va te dire انظر tu as un mot lion et une fois c'est حقيقة une fois c'est مجاز المسكين il ne sait pas que la langue arabe فالحقيقة le lion il est venu avec la معنى que la plupart des gens ils connaissent l'animal et كذلك une autre معنى pour l'homme courageux ça dépend du contexte أما قوله عز وجل وجاء ربك أين المجاز أين المجاز؟ Et qui sait qui les a précédés أنه c'est مجاز؟ فلهذا الإمام الشنقيطي رحمه الله il a démontré أن في القرآن il n'y a pas de مجاز فاحذروا من هذا il n'y a pas de مجاز في القرآن كله c'est حق كله حقيقة ثم il y a des choses ça dépend تقدم معنا les versets sur la قرية ça c'est pas du مجاز c'est la langue arabe qui est comme ça. Ça certains mots ils ont différents sens par rapport au contexte le village, ça peut être les habitations, les routes, les constructions, et ça peut être les habitants. En langue arabe, tu as les deux, ça dépend du contexte. Amma fi sifat, fa ihdharu min hadha. Fi al-Qur'an, il n'y a pas de majaz, et min babi awla fi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les sunnah, ils insistent, ils disent, anna nu'min fi sifat ala al-haqiqa. Ou Allah subhanahu wa ta'ala yanzil haqiqatan. C'est pour ça qu'ils ont rajouté ce mot. بعضهم أشكل عليهم هذا يقولون أن هذا استباء موجود على époque des salaf صحيح على époque des salaf يغجوتي pas حقيقة كلام الله حقيقة حقيقة أو تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة مع موسى لكن العلماء ils ont utilisé ce mot لماذا pour réfuter أهل البدعة qui prétendent que c'est du مجاز pour leur montrer que c'est من باب الحقيقة هذا والله أعلم قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفسه تأملوا هذا الكلام si tu dis que dans le Coran il y a du majaz et encore plus grave que les versets ou certains versets dans les صفات d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est min bab le majaz on répète le kalam en langue arabe certains le divisent en deux حقيقة مثلا tu dis un lion ça c'est un lion, l'animal. Et majaz, c'est pas le sens que il a été instauré ce mot pour comme base, maintenant lion animal, lakin il a été employé pour une autre chose, c'est ça le majaz. Tu peux le remplacer par ta'wil, par tafsir ila akhir. Fa madha an adhhar alamat al majaz. Si on dit qu'il y a du majaz, s'il y a du majaz, c'est que tu peux faire du nafi. Al majaz qad yunfa. Et c'est très très grave. On répète son kalam. Wa adhhar alamat al majaz 'inda al qa'ilin bi sihhat nafyi wa nafyu ma athbathahu Allah wa rasuluhu min afdal al batil. Si on dit que مثلا قول الله عز وجل وجاء ربك من باب المجاز المجاز هي نغيل si on dit qu'il y a du majaz, donc tu peux faire du nafi, tu peux dire que في الحقيقة c'est pas al maji حقيقة لكن c'est autre chose, c'est ça le majaz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire du nafi yadam billah. Un nafi, on répète, c'est rejeter, ne pas accepter, c'est ça le nafi, nier. Donc al khulasa c'est quoi? C'est que ala hada al qawl. Et c'est le cinquième point, ils peuvent accepter ce qu'ils veulent et rejeter ce qu'ils veulent. Celui qui rejette une sunna, comme a dit ma'ana fi nawaqid al-islam, et dans beaucoup de durus, celui qui rejette une sunna, alors qu'il sait que ça fait partie du din, même si c'est pas obligatoire, il sait que ça fait partie du din, et tu lui montres les adilas, il accepte, il dit na'am, c'est un texte du Qur'an ou de la sunna, thumma il dit là, c'est pas vrai, c'est du kufr, c'est de la grande mécréance. Limada, on est obligé de croire au Coran et à la Sunna. Même si on n'applique pas tout, à la croyance, on est obligé. Mabalouk, haoula, ils rejettent des dizaines, des centaines de hadith. Ayyadam billah. Amma al-Jahmiya, c'est des kuffars, l'échec. Amma les autres groupes qu'elle al-Sha'ira, c'est un autre sujet. Et kathir min al-ulama la yukaffirunahum, limada, li'annahum, ils ont des choubahs. Ils ont des choubas, ils ne rejettent pas le texte clairement. Ah, mais s'ils auraient rejeté le texte clairement, ça serait des koufars, comme le Jahmiya. Lakin, eux, ils acceptent le texte, lakin, ils le déforment avec certaines ambiguïtés. Là, chacun d'entre eux, ils sont à la khatar. Amma takfir, c'est un autre sujet qu'on ne détaillera pas. Qala, wa nafyu ma athbathahu Allah wa rasuluhu min abtal al-batil wa la yumkina l'infikak anha bi ta'wilihi ila amrihi, l'annahu laysa fi siyaq ma yaddul alayhi. هذا on détaillera inshallah ta'ala dans al-wasitiyya ou dans al-tadmouriya, dans le taqrib ou dans al-hamawiyya. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi il a détaillé هناك, lakin la bas on peut citer quand même quelques points. Qawluhu la yumkin al-infikak anhu bi ta'wilihi ila amri. On revient au verset wa ja'a rabbuk, fa ba'dhum disent que ayadan billah min al-sha'ira min ad-dullal, ils disent que c'est pas المجي حقيقة وجاء ربك لا يديز أو سالأمر أو سالملك شو من عذيمين رحمه الله قال ولا يمكن الإفنكك عنه بتأويله إلى أمر لأنه ليس في السياق ما يدل عليه لأن دون السياق ونبا هذا وجاء ربك والملك صفا صفا بعضهم يديس الملك على كل ملك الملائكة sont déjà cités. نعم أما الأمر il faut un دليل. أين الدليل que c'est l'amr? Et on avait expliqué هذا dans le hadith ينزل ربنا إلى سماء الدنيا, et on avait cité plusieurs أوجه dans شرح اللامية que c'était باطل من هذه الأوجه أن الملائكة أو الأمر il descend pas que le dernier tiers de la nuit. أما هنا la descente elle est spécifiée ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. كذلك الأمر والملائكة il descend pas que إلى سماء الدنيا. Mais on a des preuves que le malaïka il descend sur terre. Et l'amr amr Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yif'al ma yurid fi sama wa fi l'ard. Donc tout ça c'est batil. Et incha'Allah on détaillera al-rudud ala ahl al-bida' sur les sifat incha'Allah dans d'autres livres. Al-iqtisad, vous vous rappelez, vers l'i'tiqad on n'avait pas détaillé. C'est normal, c'est le premier livre. L'essentiel c'était de comprendre, avoir un aperçu général de l'aqidah. Enfin, réviser ce livre, il est muhim jidd. Al-iqtisad ou vers l'i'tiqad qu'on a étudié ensemble avant cette risale. ثم القواعد المثلى, c'est pour bien comprendre les règles sans rentrer dans les détails, pourquoi ils interprètent sifat ar-rahma avec telle chose, pourquoi ils interprètent sifat al-kalam avec telle chose, pourquoi ils rejettent telle sifat. Là tu restes que dans les qawaid am hatta ta manhaj, et tu connais leur égarement en général sans rentrer dans les détails. ثم les autres kutub comme al-wasitiyya مثلا, fa al-ulama il cite, Cheikh l'islam il a cité as-sifat beaucoup de sifat, en citant des versets du Coran awwalan, thumma des hadith thaniyan. Anta, si tu as étudié walillahi alhamd déjà des livres avant comme le Qa'il Mutla et un livre de l'Aqida, fa fi hadha alkitab at-tafsil c'est tayyib qalilan, pas tout, lakin au moins certains points. Mathalan, pourquoi ils interprètent les deux mains par un ni'ma ou par quoi, un ou deux points pour répondre, et tu avances. ثم في الشرح الطحاوي لابن أبي العز فهنا التوسع يتوسع جدا في التدمورية في الحموية encore أكثر. فسيسا المنهجية pour comprendre هذا العلم. قال ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا عياذا بالله المعتزلة والجهمية. أما tout ce qu'on a lu ensemble dans ce point ou dans ces points, il a cité beaucoup al-ash'ir, al-muharriba, ceux qui acceptent certains sifat et rejettent certaines, et on répète leur acceptation, leur ithbat, même leur ithbat il n'est pas à la tariqati ahli sunnah, et on détaillera هذا inshallah fi sifat al-kalam, fi sifat al-kalam. ثم هنا il a démontré أن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات عيدا بالله. بعض أهل التعطيل كالمعتزلة ils ont rejeté toutes les صفات. Et encore plus grave, بعضهم تعدى إلى الأسماء أيضا. أي بعضهم même les noms ils les ont rejetés عيدا بالله. بعضهم ils ont rejeté حتى الإثبات والنفي. حتى الإثبات والنفي. Dire il existe ou il n'existe pas, t'as pas le droit. Tu dis pas. عيدا بالله. Un qawm qui dit, il ne peut pas dire Allah il existe. Est-ce que c'est un qawm هذا? حتى اليهود والنصارى والمشركون فكثير منهم يؤمنون بالرب لكن يشركون به. أما هؤلاء غلاة الغلاة من الجهمية أكفر من أكفر الناس عيادا بالله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a détaillé ces catégories dans son livre التدمورية. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية الأشعرية وكذلك يقولون الأشاعرة. Cette secte ولله الحمد on a détaillé قليلا leur égarement et leur historique إلى آخره dans nos cours sur les sectes en islam, et le cours ولله الحمد on l'a propagé. والماتريدية c'est le même groupe. Ils divergent dans certaines choses. فقط. وإلا les principes c'est les mêmes. قال أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Vous avez remarqué que leur base c'est quoi? C'est l'aql. C'est pour ça qu'ils seraient revenus au Coran et à la Sunna, ils n'auraient pas fait de différence entre صفات الأفعال et صفات الذات. Ils n'auraient pas fait de différence entre إثبات صفات العلم et صفات الوجه. Allah il a un visage et il a de la science, ils n'auraient pas fait de différence. Pourquoi ils ont fait la différence? Les ils sont revenus qu'à la raison. Alors que la raison, كذلك, la raison d'un sunni, elle accepte toutes les sifat. Lakin, iyadun billah, l'égarement ou l'inhiraf. Fanaqul, Allahum, nafyukum lima nafaytumuh bihujjati anna al-aqla la yadullu alayh yumkin ithbatuhu bitariq al-aqli alladhi atbattumuh الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذا الكلام يحتاج إلى تركيز. إما on finit, on fait le deuxième dars sur هذا, on finit et on laisse notre prochain, حتى on a fini aujourd'hui, on peut s'organiser pour la semaine prochaine et on laisse le dars sur la deuxième risala inshallah pour mardi. هذا احسن. فنكتفي بهذا et on passe à notre deuxième dars, on finit. لأن pour comprendre c'est lié. Si on s'arrête là et on reprend mardi, il faudra probablement réviser ce qu'on a vu aujourd'hui, probablement بعض الاخوان ça va être compliqué pour qu'ils suivent. فاحسن c'est de finir. فانشاءالله تعالى on finit, نتوكل على الله et لا بس. Alhamdulillah l'essentiel c'est de faire un dars.